Bon, mon cul, les enfants. Hey, vous, yeux, là. Ça fait 4 heures que vous les attendez dans ce centre d'achat où il fait chaud et tout est minable. Mais les voici, mes clowns favoris. Applaudissons-les. Les clowns anus et précoces. La bourse ne va pas bien. Ailleurs, on crève de faim. Et le néolibéralisme a mis ton papa en vos crises. Réfléchis. Partout il y a des terroristes avec une mine assez triste. Il y a des mamans battues. Ah, comme la vie est injuste. Réfléchis. Consommer des chansons.